Chapitre 24e. Rira bien qui rira le dernier. Delmont admirait toujours le magnifique coup de fourchette de O'Meara, et ce matin-là, plus encore. L'Irlandais plongeait méthodiquement dans son bol de café au lait, de large toast, et sans doute, pour s'entretenir l'appétit, accompagnait son petit déjeuner d'une douzaine de sandwiches. Aucune émotion ne paraissait susceptible d'apporter le moindre trouble à la parfaite économie de son estomac. Cependant, avait-il confié à Delbon un moment auparavant, on avait besoin de lui dans l'île. Il avait décidé de prendre un train du soir. Il allait à la mort, peut-être. La sombre perspective ne semblait d'ailleurs pas l'émouvoir. Son ami, le regardant avec une certaine mélancolie, cela l'agaçait. Il n'aimait pas à s'apitoyer sur lui-même. Il n'aimait pas plus que l'on s'apitoyât sur son compte. D'un air détaché, il essaya de détourner le cours de pensée dont il redoutait la hantise délirante. « Tu as lu, dit-il, comment à Cincinnati, Williamson, citoyen du Kentucky, a démontré sur la peau du mulâtre Parsley la supériorité des directs sur les swings. Je n'ai pas été surpris de son triomphe. Son opinion, je la professais depuis que je pratique le noble art de la boxe. Tu verras par toi-même que je n'avais pas tort, si jamais j'ai l'occasion d'une démonstration sur le vif en ta présence. » Delmont avouait qu'il n'avait pas lui des clartés assez vives sur une aussi grave question pour la trancher, quand Bernard survint et annonça « Monsieur, il y a là un monsieur tout vêtu de noir qui demande à vous parler et qu'accompagne Delphin Gresset, maître Tapaboré des gendarmes. Le Christ entre de mauvais larrons. Il y a là aussi un autre monsieur qui, pour ce qui est de la mise, représente bien mais qui marque mal et qui demande à parler à monsieur O'Meara. Que faut-il en faire? Si c'était des punaises, je ne vous dérangerais point, mais ce n'en est pas. » Delmont ordonna qu'ils attendent dans la cuisine. Nous les rejoignons. Et les deux amis descendirent. Ils s'arrêtèrent au bas de l'escalier. Le monsieur vêtu de noir, que le lecteur connaît déjà, je n'ose pas dire avantageusement, s'avança. C'était maître Coqurgus, huissier audiencier près le tribunal de Besançon. Il s'excusa d'abord, fort courtoisement, de la liberté qu'il prenait et que lui conférait Thémis. « Monsieur Delbon, les devoirs de ma charge sont quelquefois pénibles à remplir. J'espère donc que vous ne leur ferez pas obstacle. » D'ailleurs, toute résistance serait absolument inutile. Maître Tapabor lui coupa la parole brutalement. « Au fait, maître Coqurgus, au fait, les préambules sont superflus. » L'huissier s'inclina et lut son grimoire. C'était un arrêté d'expulsion en bonne forme, obtenu par le notaire contre Henri Delbon, qui devait abandonner sans délai le château du reliquaire, faute de quoi la force publique les contraindrait. Delbon sourit et, sans vaine manière, tutoya maître Tapabor, qui commença par se retrancher derrière un air hautain et faussement indifférent, mais ne tarda pas de pâlir, puis de rougir, puis de pâlir encore. « Tu as la première manche, mon cher ami. Es-tu bien certain d'avoir la belle? Il se pourrait que dans un lieu très sûr, et d'où il serait assez difficile de les déloger, mais aimantés dans des coups de carabine de ton cher Gresset, je conservasse main reçue, main d'inscription hypothécaire, tu me comprends, n'est-ce pas ? Qui risquerait de noircir encore une réputation déjà assez compromise. Tiens, tu changes de couleur comme un disque de chemin de fer. Voyez-vous la puissance des arguments irréfutables et fâcheux pour qui n'a pas la conscience très tranquille ? Maître Tapabor avait repris son assurance au moins de façade. Il haussa les épaules. Fadaise, baliverne, comte de la Merlois. Puis se tournant vers les gendarmes, il les somma sèchement. Faites votre devoir. Après quoi, s'adressant à l'inconnu qui, selon l'expression de Bernard, marquait mal s'il présentait bien, il daignait expliquer dans l'espoir d'une réconfortante approbation « Des histoires qui n'ont ni queue ni tête et ne valent point la peine que l'on s'y arrête. Il cherche à gagner du temps. » L'inconnu esquissa ce sourire courtois mais évasif des personnes que l'on entretient de questions qui ne les intéressent point et, avançant vers l'Irlandais, déclara à son tour « Monsieur O'Meara, je suis moi-même porteur d'un ordre d'extradition contre vous. « J'appartiens au service de la sûreté. Veuillez donc me suivre sans regimber. Pour vous aussi, monsieur, toute résistance serait inutile et risquerait d'aggraver votre situation. » O'Meara consentit avec une extraordinaire douceur sur la signification de laquelle, cependant, Delbon ne se méprenait pas. « Comment donc, monsieur, votre invitation est trop aimablement formulée pour que je la décline. Je suis à vos ordres. » Delbon interpréta à merveille car à reculons il remonta de haut trois marches. Néanmoins, je vous serai reconnaissant, si possible, de m'accorder encore quelques répits, car j'ai un petit voyage projeté, quelques affaires absolument indispensables à arranger d'urgence. L'agent de la sûreté refusa. « N'insistez pas, monsieur, mes ordres sont formels. Quelque désir que j'aie de les exécuter avec un minimum de rigueur, je ne saurais les enfreindre. Veuillez vous apprêter à me suivre. » L'Irlandais soupira. « Alors je suis confus de ma demande, et je n'ai plus qu'un modeste désir à vous exprimer, celui de démontrer à mon ami, avant de m'en séparer peut-être à jamais, la supériorité des directs sur les swings dont nous discutions tout à l'heure, au moment que vous nous prépariez l'agréable surprise de votre visite. » Les assistants s'entre-regardaient, étonnés, un peu inquiets. O'Meara devenait-il subitement fou? Sans doute le crurent-ils encore pendant quelques instants. Un bond soudain jeté en face de Gresset, l'Irlandais, dont le poing s'abattit avec un bruit mat sur le visage chafouin de bête mauvaise, pour y commettre de très appréciables dégâts. On n'eut d'ailleurs pas les loisirs d'en vérifier l'importance dans le désordre qui suivit. Gresset était tombé. Quant à O'Meara, un second bond l'avait rejeté en arrière, et gravissant l'escalier, quatre à quatre, il s'engouffrait dans le studio dont Delbond tenait la porte ouverte. Tranquillement, l'Irlandais donna un double tour de clé, fit jouer la targette, déplaça et transforma en barricade, sans que ce travail parût lui coûter beaucoup d'efforts, une massive commode. Et il rit silencieusement, à sa façon, les coins de la bouche rasés à peine pincés, et une flamme discrète de gaieté au coin de la prunelle, après quoi il boira sa pipe et l'alluma. À travers le plancher parvenaient les sourds échos d'un formidable remue-ménage. O'Meara constata « Ils vont nous donner l'assaut. Ils vont employer le bélier. Ce sera amusant. On se croira au Moyen-Âge. » Il s'inquiéta. « Où est donc passé Bernard ?» Il lui semblait que le domestique était descendu en leur compagnie à la rencontre des survenants. Il semblait au contraire à Delbond qu'il eût disparu tout de suite après avoir annoncé la désagréable visite. « Respect à la loi !» fit soudain narquoisement O'Meara. On faisait les trois sommations réglementaires. Et nulle réponse n'étant parvenue, on s'attaquait à la porte qui, massive, résistait de son mieux. O'Meara alla ouvrir la fenêtre. Il fallait voir avec quelle silencieuse douceur il faisait jouer l'espagnolette. Et il expliqua. « Je prépare ma sortie. Ce n'est pas la peine de mettre tout le monde au courant de mes projets. » Il poursuivit avec émotion. « Je vais te faire mes adieux, Delbond, car il se pourrait que, dans un moment, je n'ai plus le loisir de songer à être correct. Quand nous reverrons-nous, je ne le sais pas. Le monde est petit, mais mon existence est comme une coquille de noix sur une mer démontée. En tout cas, sois heureux, car tu le mérites et sois heureux avec Mademoiselle Alix. Elle le mérite aussi, malgré les apparences, j'en ai l'intuition. » Les deux hommes s'embrassèrent. Ils s'arrachèrent avec effort à cette accolade, car leur vieille amitié la transformait en câble solide. La voix de Delbond trembla, tandis qu'elle conseillait. « Certes, je voudrais te conserver le plus longtemps possible auprès de moi, mais au nom même de notre fraternité, je suis obligé de t'engager à fuir. Va-t'en. » O'Meara répondit avec son flegme habituel. « Ouh, j'ai encore le loisir d'achever ma pipe. Ces gens-là ne savent pas coordonner leurs efforts. Ils travaillent à l'aveuglette. Ne t'inquiète pas. En 3 secondes, je suis sur la terrasse. En 5 minutes, je me carre dans la limousine du notaire, si, ainsi que je l'espère, la canaille a eu la louable précaution de s'y transporter. Et je file. Comme nous avons le bon droit pour nous, point de panne à craindre et sois tranquille, on ne me retrouvera pas. » Très amusé, il ajouta « Sois tranquille aussi sur les conséquences de ce que vous appelez en français. Comment ? Ah oui, de ma fumisterie. Je n'ai pas l'intention de voler un voleur. Je ne veux pas que l'on t'accuse d'être le complice d'un escroc. Je renverrai honnêtement l'auto à sa crapule de propriétaire. Un peu d'humour n'est pas interdit. » En ce moment, la porte craquait. Elle cédait. O'Meara secoua soigneusement sa pipe, une vraie bruyère d'Écosse. Il entassa, avec précaution, la cendre dans un coin de la cheminée, puis il tendit l'objet à Delbond. « Conserve-la, en souvenir de moi. Elle est éprouvée. Elle est excellente. » Un panneau de la porte volait en éclats. « C'est le moment, » décida O'Meara. Les deux hommes s'embrassèrent encore et l'Irlandais s'élança vers la fenêtre. Comme il enjambait la balustrade du balcon, il dit encore, avant de se laisser glisser au long du chêne providentiel, « Souviens-toi du direct que je t'ai enseigné. Si tu as à te débarrasser de quelqu'un, il est irrésistible. » Et il disparut. La commode oscillait sur sa large base. Delbond avait refermé la fenêtre et prêtait l'oreille. De rauques, d'ironiques, de lointains coups de trompe lui parvinrent. O'Meara saluait une dernière fois avant de prendre le large. O'Meara ne risquait plus rien. Delbond poussa un soupir de satisfaction. Tout à coup, il sursauta. La barricade s'écroulait avec un grand fracas. Force restait à la loi. Les gendarmes apparurent, beaux et dignes. Derrière eux, hésitant, le notaire se dissimulait de son mieux. Déjà Delbon se précipitait sur lui. Il brûlait du désir d'essayer du direct, mais il n'avait pas la pratique de son ami et le coquin avait ses gardes du corps. Ce fut une mêlée où l'on apercevait tour à tour, avec une rapidité d'éclair, les buffleteries de la maréchaussée, la face cramoisie du tabellion et les poings rageurs de Delbon qui le cherchaient trouvaient place sur la vivante cible. Néanmoins, mouvement paralysé, que vouliez-vous qu'il fît contre trois? L'ingénieur allait se rendre lorsque derrière le groupe de combattants, un grincement se produisit. Ce fut l'armistice. Stupéfait, on s'immobilisait. Le fond de la monumentale cheminée Renaissance était ouvert et béait. Et sa cariatide de gauche, côté cœur, semblait offrir l'enfant amour au petit chaperon rouge apparu par quel miracle, et dont un peigne, se dérangeant, avait laissé s'épancher la chevelure comme une nappe d'or ruisselante. Et la jolie Simone avait le bras passé sous celui d'un vieillard, droit comme un pin, visage affable et souriant, que l'on n'attendait guère et que Delbon salua d'un interdit mais vibrant, mais joyeux, grand-père.